Là, je t'entends, mais c'est pas très violent. Hein. Je suis en USB, moi. J'ai beaucoup de copains qui ont des problèmes avec le FireWire. Soit disant que c'est meilleur, mais eux ont des emmerdes. Hein. Moi, j'ai pas le moindre ennui avec ça. Quant à la rapidité, putain, faut vraiment. Je crois qu'il faut mesurer pour voir si c'est plus rapide ou pas. Hein. J'ai pas de latence, j'ai rien du tout, que dalle, pas de perte. En USB 2.